C'est compliqué d'arriver en retard. C'est normal, c'est Radio Campus 106,6, il est 20h01. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 389 ce soir avec. On est qu'à deux, dis donc. Hein bah ouais. Ouais. On a des invités. Ouais, on a des invités. Non, mais on est qu'à deux grandes leaders Zeder. Donc, Célia, salut. Salut. Et puis Stéphane. Il y a peut-être Jamo qui va peut-être arriver, j'en sais rien. Et puis, ce soir, nous avons trois invités ES de la nouvelle organisation, association organisatrice de concerts et d'autres choses. Qu'elle s'appelle. Ça marche pas si, oui. Ah oui. qui s'appelle comment GZ Belvédère. Ouais. Bon, je pense que quand même tu t'es trompé de. Non, mais si, il est là. Ouais. Alors, ah oui, c'est celui-là. Ouais. Ah. Ok, d'accord. On se mélange dans les micros. Il y a trop de micros dans ce studio. On va en enlever les trois quarts. Allez. Bah ouais, on s'appelle GZ Belvédère. Ouais. Nouveau collectif d'organisation entre meufs et minorités de genre. D'accord. Voilà. Bien. Sans mec 6. Sans mec 6, pour le dire comme ça. Moi, j'aime bien le dire comme ça, c'est plus facile quand on a la radio. Sans mec 6, c'est bon, ça passe, ding, boum. Et puis, on sait de quoi il s'agit. Ouais. Puis ça fait chier. Les ouais, cons, bah voilà. Bon, et ben, on va commencer à vous interviewer d'ici quelques minutes. Pour l'instant, un petit truc qui passe ce soir. Donc, c'est pour ça que je le passe maintenant. Parce que vous pouvez encore courir au Centre culturel libertaire, 4 rue de Colmar, à Lille, pour voir, entre autres, Das Beat, donc, dont on va pouvoir écouter le titre maintenant qui s'appelle le Hourworm. Hey. Jetzt bin ich. Eh oui, premier blanc à l'antenne de Campus sur Pyongyang City Rockers. C'était bien dansant cette affaire d'Asbeat. Ils seront, elles et ils seront ce soir là maintenant en compagnie de Haute Couture, un autre groupe de Berlin qui officie dans le hard rock new wave. Una Haynes qui vient de Dunkerque et qui fait ce qui est décrit comme romance club trouble. C'est super Una Haynes. Elle pitch sa voix vers le bas. Sur un truc un peu techno, avec des super paroles en anglais, voilà. C'est bien que tu sois là, parce que moi, là aussi, j'avais quasiment rien trouvé. Ah ouais. Donc, voilà. Elle a que un SoundCloud vieux d'il y a 3 ans, je crois. Il n'y a rien encore en ligne. Et puis, il y aura aussi Prince Harvey, c'est du queer rap qui vient de New York. Tout ça au Centre culturel libertaire à 20h30. Donc, vous avez encore 24 minutes pour y aller. Et puis, c'est prix libre, youpi. Et puis, voilà. En plus, il y a un beau flyer avec une de chevaux. C'est magnifique. voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est là? Alors déjà le nom. Le nom. GZL. Qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà. Je sais pas. Gazelle. Ah ouais. Super. Gazoil. Voilà. En fait, c'est un peu parti de ça. Il n'y a pas vraiment de mots spécifiques associés à GZL. L'idée justement, c'est que sur un petit carnet, on a noté plein de mots en GZL. Ça nous a bien fait rigoler. Puis on a appelé nos amis. On leur a dit, ça fait penser à quoi, GZL? Alors, ils nous ont dit Gisèle, Gasoil, Gazelle, Jezabel. On avait en tête Grésillé, une Gazouilly, tout ça. Voilà. Ça nous a fait rire. On s'est dit, c'est bien. On parle là-dessus. Ça évoque plein de trucs. Ça évoque plein de choses. On a plein d'identités. Des fois, on sera Gisèle Vénère. Des fois, on sera Grésy Vénère ou Gazelle Vénère. Des petits Gazouilly mignons. Sur le premier flyer, c'est juste GZL. GZL au CCL pour la première soirée. Donc, on a oublié de faire un truc, c'est de vous présenter en personne, si vous voulez bien. Vous avez droit au surnom, ou au pseudo, ce que vous voulez. D'accord. 2 minutes 30 pour trouver un pseudo. Alors, parce que là. 2 secondes 30. Je vais avec mon prénom, Elia, et du coup, je suis musicienne sur l'île. Envie d'organiser des concerts plutôt que d'en jouer. En plus que d'en jouer. Et on t'a déjà entendu dans Pyongyang City Rockers. Et oui, j'étais venue il y a 2 ans pour la soirée, je crois que c'était la soirée de lancement de Cowboy Molotov. Ouais. Et je jouais avec mon projet solo Death by Fog pour cette soirée. Voilà. Ça existe encore, Death by Fog ? Ça existe encore, ça arrive. Sinon, tu fais plein d'autres trucs. Et sinon, j'ai d'autres projets. Autoroute, Anastèse maintenant, La Delas, Brutal Beatnik. De solo, Sunwell et Death by Fog, et Morveux, et voilà. Bon, allez. C'est pas mal. Bon, on va te laisser, puis tu vas passer ta musique, et puis c'est bon, on revient à 21h. Ouais, ok. À ta droite. Moi, c'est Anna. Du coup, je fais de la cuisine dans la vie, mais je fais aussi beaucoup de dessins. Je joue pas du tout de musique, mais j'aime bien faire des affiches pour mes copaines quand ils font des concerts, par exemple. C'est toi qui l'as fait, ça? Exactement. D'accord, ok, voilà. Ça va. Et voilà. Moi c'est Faustine, pareil dans la vie, en vrai je suis prof, mais sinon le soir je suis souvent au CCL. Ouais, on t'a déjà vu et c'est pour ça que t'as la voix cassée en fait, parce que t'es prof. Alors c'est le mélange des deux en fait qui fait que j'ai la voix cassée, prof et concert qui font beaucoup de bruit. Et pareil, l'envie de participer, parce qu'à force d'aller à des concerts, pas que au CCL, j'ai dit ça comme ça, j'ai envie de m'investir un petit peu dans ce monde-là que j'affectionne justement, d'où l'idée aussi de créer une association dans laquelle on trouve notre place. Et pareil, je fais pas vraiment de musique, mais j'essaie de gueuler des trucs avec ma voix cassée des fois, et de faire un peu de batterie, voilà. D'accord, il y a déjà des choses écoutables ou pas? Non, pas du tout. En concert, en studio? Non. Non. Un jour, grâce aux ateliers de GZL, voilà, oui. D'accord. Donc, si vous avez toutes trois, plus peut-être d'autres personnes, envie d'organiser des concerts à votre mode, c'est que pour l'instant, ce qui existe ne vous plaît pas? Non, c'est pas que ça ne nous plaît pas, parce que justement, on y va, et qu'on est contente que ça existe. C'est qu'on a envie déjà de le faire nous-mêmes, déjà, et aussi de créer une scène où il y a plus de meufs, en fait, tout simplement, sur scène, derrière la scène, dans l'orga. À la technique, à la technique, ouais, voilà. Donc, avec l'envie de rassembler, quoi. L'envie de rassembler plus de meufs. Et il y en a de plus en plus, hein. Enfin, c'est quelque chose qui. Enfin, on n'est pas les premières à avoir cette idée-là. Il y a de plus en plus de meufs qui essaient de trouver leur place, des meufs et des minorités de genre. Mais en fait, quand on a créé l'asso, on a vu qu'il y a plein de gens qui ont répondu direct. Donc, ouais, ça, c'est cool. Ouais, grave. Ça veut dire qu'il y avait peut-être un besoin. Ouais, il y a plein de meufs, en tout cas, qui voulaient trop faire des ateliers, trucs comme ça, enfin, apprendre à jouer des instruments, se mettre à organiser des concerts, être bénévole sur des trucs comme ça. Et ouais, on était assez impressionnés du nombre de réponses, quoi. Ouais, puis il y a aussi ce truc que quand on est débutante dans la musique, comme moi par exemple, des fois on a du mal à se sentir légitime à jouer avec des gens qui sont à l'aise, qui vont en jam hyper souvent, de trouver sa place dedans et le faire nous-mêmes sans mexis. J'ai l'impression que ça permet de créer un cadre un peu plus bienveillant, avec un peu plus de sororité, tout ça. Ah oui, c'est sûr que s'il y a moins de mexis, il y a plus de sororité. Oui. Ça, c'est tout à fait clair. Quoi, qu'est-ce qu'ils ont, les mexis? On va rentrer vite dans le mur, là. Boum, allez. Place. Oui, c'est ça. Je peux enlever le micro, je peux enlever le casque, hein, pour pas entendre. C'est pas qu'on les aime pas, dans l'idée d'ailleurs, c'est pas ne pas jouer avec des métis, des mexis. Le but d'ailleurs, c'est de finir par être à l'aise pour jouer avec tout le monde. Exactement. Mais c'est créer une plateforme, quoi, pour pouvoir, enfin, faire un peu la courte échelle, quoi, pour pouvoir rentrer dans le grand bain, entre guillemets. C'est parce qu'ils prennent beaucoup de place souvent. Enfin, voilà, pas que dans la musique, en fait, hein, dans la société. Enfin, tant qu'on est dans une société patriarcale, je pense que c'est clair qu'ils prennent la place partout. Voilà, donc. Et il faut. Et en tant que musicien, musicienne, il te faut des places, enfin, il te faut des moments pour apprendre, donc notamment les jams, tu vois. Et c'est là où tu apprends, où tu rencontres des gens avec qui faire des instruments, et puis c'est là que tu prends tes armes pour faire mieux ton instrument. Et si t'as pas d'espace comme ça, c'est plus dur pour les meufs de rentrer dedans parce que c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. C'est ça. Un peu une question de légitimité qui se pose à plein d'endroits différents. Elle se pose aussi dans le milieu de la musique, de la capacité de prendre sa place, qui est très genrée comme capacité ou non. D'ailleurs, dans la radio aussi, hein, vous remarquez que depuis tout à l'heure, il n'y a que moi qui parle dans les... C'est vrai. C'est parce qu'il y a du fort dit. Aussi. Tu parles. Allez, on enchaîne. Eh bien, voilà. Après, je peux rajouter aussi que, sur scène, quoi, voir des artistes que masculins sur scène, ça donne... Ça nous crée pas vraiment de modèle. On se dit, oh, je pourrais faire ça, quoi. Enfin, et dans les festivals de musique, etc., le nombre d'hommes sur scène est énorme. Alors, tout à l'heure, je tombais sur un article qui disait que Hellfest, alors, qui n'est pas un festival qu'on affectionne, évidemment. Mais bon, comme on est dans les musiques extrêmes, machin, l'année dernière, il y avait 7% de femmes dans tous les artistes présents au festival. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est pas quelque chose qui n'arrive que au Hellfest, quoi. Non, non, donc... Par contre, c'est sûr que sur une scène, une petite scène comme celle du CCL, il y a quand même, je pense, un peu plus. Ah, ça c'est clair. Ouais, bien sûr. Ah, bah oui, ça c'est clair. Bah oui. Ça c'est clair. Ah, non, mais c'est clair. Et puis Ali, il y a plein de gens qui se bougent pour ça. Il y a pas que nous. Il y a plein de meufs qui étaient dans la scène avant, qui ont déjà fait plein de taf, et c'est trop bien. Parce que l'idée, c'est pas de dire, on est les premières à faire ça. Enfin, tu vois, on est où ça n'existe pas. L'idée, c'est de dire, en fait, il y a une super scène musicale à Lille. C'est maintenant qu'il faut aller pousser les meufs à s'y mettre et à faire de la musique, à rentrer dans la scène, quoi. C'est maintenant qu'il faut taper le fer tant qu'il est encore chaud, je pense. Ouais. Allez. Attends le fer. Eh bien, alors votre premier battage de fer, c'est mercredi prochain. Le 28 mai au CCL. Gros stuff avec Beljars, groupe de Lille. On va mettre leur musique bientôt. On va mettre la musique de tout le monde. Hein. Presque. Sauf Cuntroach, parce que non, Cuntroach qui viennent de Rouen, qu'ils n'ont rien d'enregistré encore. Mais c'est super. C'est du queer grindcore hyper énervé. Trop, trop bien. Dendrophilia qui viennent d'Italie, qui font un sludge bien crado aussi. Et hyper saturé. Ouais, je sais pas comment ça va passer sur la radio. J'ai essayé de désaturer un peu. Mais... Ah ouais. Non, mais... Ah non, elles ont fait un choix artistique qui est super cool, quoi, je trouve, sur l'enregistrement de l'album. Et on finit par Cerber qui viennent de Paris. Et on finit par un karaoké autotune. Oui, pardon, karaoké autotune, des sténodactylos. Yes. Ouais, ça. C'est ça, c'est local. Mercredi prochain, à partir de 20h au CCL, comme d'hab, oui. On ne fait quasiment que de la pub pour le CCL ici. Bah voilà. Oui. Il faut bien dire. Bon. En même temps, c'est un des seuls endroits qui nous reste ici. Ouais. Et oui, tout à fait. Ouais. On pourrait passer de la ZIC parce qu'il est déjà quand même 20h15, et presque 16. On a déjà passé un quart de l'émission. Ça passe toujours vite. Ouais. Allez, qu'est-ce que vous proposez? Bah, est-ce qu'on commence par Beljars? Bah ouais, tranquillou avec Beljars. Ouais, d'accord. Deux titres, comme ça on aura le temps de. Ok, bon, très bien. Ouais, ok. Là, j'ai mis Plonge et Kate Dixon, je crois. Allez, sur on le va truc. Commencer par Plonge. Oui, le puis, tube. Ouais. Je pense qu'on l'a pas déjà passé ici. Non, toi t'avais passé un autre titre. Si, non, Beljars, j'ai dû passer. Ouais, mais ouais. Peut-être pas celui-là. Bon, bref. En tout cas, voici Beljars avec Plonge. I came from a long nickel, nickel chrome. Vous êtes sur Campus 106,6, c'est la vie de Micro, n'importe quoi, c'est demain matin. Je serai à nouveau là demain matin. Ouais. C'est Pyongyang City Rockers, numéro 389 avec GZL, qui sont là, qui nous ont passé deux premiers titres. Le premier c'était Bell Jars avec Plonge, et le deuxième c'était aussi Bell Jars avec Kato Dixon. Nous avons eu l'exposé des motifs, on a eu une première publicité pour la soirée de mercredi prochain au CCL. Yes. Vous avez encore des trucs à dire sur cette soirée ou pas, Soirée en elle-même, ça va se passer. S'il y a des meufs qui seraient intéressées pour bénévoler sur la soirée, on a déjà une petite équipe, mais même pour les prochaines, elles peuvent envoyer un message sur notre Instagram. Et on a créé un Discord avec... pour rejoindre ce Discord. Il y a déjà 24 personnes dessus. Waouh, 24. Vous n'êtes pas sur Mastodon? Est sur Mastodon, tu peux pas envoyer de message sur Mastodon, je crois. Si. Ouais. Avant, il n'y avait pas de DM, je crois. Après, je t'en enverrai. D'accord. Ouais. Sinon, on a aussi une adresse mail. Qui est sa... À l'ancienne. C'est quoi l'adresse mail? C'est gzdelvener@gmail.com. Tout simplement. Au départ, on ne voulait pas faire Gmail, mais en fait, on ne pouvait pas créer de Insta avec le mail Proton. On était bloqué. Voilà. Intéressant. Ouais. En fait, en gros, Insta nous a viré direct. Okay. On a été bannis direct. On a été bannis, ouais. Du coup, on a refait un Insta avec gzdel.vénère. petit point technologique. Ouais, voilà, ils aiment pas trop Proton, mail, les Instagram, les méta. Ouais. En même temps, Instagram, c'est pas forcément très bien. C'est juste mon avis. Non, mais en vrai, c'est pas contre, ça donne de la visibilité super vite, quoi. C'est ça qui est, c'était un truc de malade, quoi. Maintenant, tout le monde est là. Avant, tout le monde était sur Facebook. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Même vous nous avez trouvé sur Instagram. Je sais pas si ça aurait marché aussi bien si j'en reste au don, parce que. En fait, moi, je suis parti de là. T'es parti du flyer, c'est cool, ça. Et puis, j'ai cherché. Ok. Bon, c'est cool, les flyers, ça marche. Le flyer, j'ai trouvé. Et où je l'ai trouvé, où? Au CCL. Donc en fait, le CCL, c'est vraiment le centre du monde. Ouais, non, mais faut... il faut le dire. C'est clair. On y va donc mercredi prochain. Enfin, si on n'écoute pas Pyongyang City Rockers, mercredi prochain, on aura qui déjà? Oui, Pierrot qui fait Réveil Forcé, le zine Réveil Forcé. Il sera pas là, mais je serai là. Voilà. Et puis, alors, vous disiez que au dos du flyer, quand même vachement bien fait. Il y a aussi tout un truc sur Smash the Boys Club. Ça, on a compris là, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis, c'est aussi marqué association de concerts, mais pas que. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des activités en devenir très nombreuses. Oui. Dont on a parlé hier, en plus. Oui, c'est ça. On va faire des ateliers. En assemblée générale. Donc, alors. Donc on va faire plusieurs choses. Nous allons faire des jams entre meufs et minorités de genre. Et nous allons faire des ateliers d'apprentissage, d'auto-formation à la musique et à la technique son. Donc très bientôt, on essaie de faire la prochaine en juin. Ce serait cool de le faire au CCL. donc on est en train de s'organiser pour ça. Et l'idée, ce serait de faire une école de l'oralité. Que chacune vienne avec ses envies, son instrument ou pas son instrument, et on trouve un instrument de prêt, et qu'on apprenne ensemble. Enfin, on partage nos connaissances sur comment tu fais cet instrument, que ce soit basse, batterie, clavier ou que sais-je. Mmh. Et qu'à la fin de cette session d'apprentissage, on joue tout ensemble. Et que ce soit un petit rendez-vous, genre une fois par mois ou un truc comme ça, pour apprendre la musique. Et les personnes qui veulent faire du son pourraient sonoriser la jam. Et apprendre à sonoriser. Justement. Voilà, tout faire en même temps. C'est un peu toutes les étapes. On avait même quelqu'un hier qui parlait de faire des ateliers de soudure de câbles. Donc c'est vraiment. Ah ouais, c'est important. Mais ouais, non, mais en vrai, ce qu'il y a autour de jouer, faire, produire. Et alors, vous avez du matos? Eh ben oui. Mais l'organisation, t'as vu. On a tous les instruments. On a des amis. Ça, c'est important. Ça, c'est pas mal. On a des amis, et moi, je répète à la malterie. Et donc là-dedans, il y a plein d'amis qui sont chauds à prêter des trucs, notamment pour ces ateliers. Parce que ce serait top qu'on ait deux batteries. En fait, on a peut-être même trois batteries avec la tienne. Ouais. Donc, faut déplacer de chez moi. Faut déplacer tout ça. Ouais, mais ouais. Ouais, c'est possible. Faut un camion, quoi. Faut un petit camion. Ou une brouette, j'en sais rien. Ouais. Ouais. La Malterie, c'est juste à côté du CCL. On peut tout faire. Tout à fait. Et donc, y a, dans l'avenir, il y aura peut-être aussi des trucs qui vont se passer à la Malterie. Avec, et oui, bah, ce serait l'idée, tout à fait. Bah, oui, c'est vrai que, ah, on a même, on a même déjà. J'aime bien comment elle se regarde et qu'elle se montre du doigt. On a même déjà un groupe qui nous a contactés. Pour jouer à la pour jouer avec nous en septembre, et donc la date est fixée à la Malterie au mois de septembre. C'est Nadja, c'est le 16 ou le 17 17, je sais plus, mais il faut ouais. Attends, en exclusivité. Ah ouais, là c'est annoncé nulle part. Ouais, le groupe canadien de drones Nadja, que on va sûrement faire jouer. Enfin, je pense que celle-là c'est presque validé, quoi. Normalement c'est bon. Je crois que tout le monde est réservé. La Malterie est bon. Faut juste que nous, en fait, en gros, la Malterie, tu peux programmer quand tu te fais tutorer par une autre asso programmatrice de la Malterie. Donc ça, faut qu'on arrange ça. Mais voilà. Sinon, GZL pourrait devenir résident à la Malterie. Bah c'est ça. Je dis ça. Moi, c'est, moi j'aimerais. Enfin, je pense qu'on aimerait bien justement, parce que c'était aussi l'idée quand on a créé GZL, c'est que aussi d'investir des lieux comme la Malterie où on va souvent et de proposer notre programmation et faire nos ateliers là-bas aussi, tout ça, quoi. Hein? Nous aussi, on se fait des signes. Bah ouais, voilà. Mais oui, on aimerait bien devenir asso programmatrice Malterie, ce serait cool, quoi, je pense, ouais. À terme. Et puis, ça permettrait bon, un peu de diversité, puis quand même de soutenir, ouais. Comme disait Célia tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de lieux quand même. Ouais. Et faut aussi, le soutien vient aussi des orgas qui font des trucs là-bas. Quoi. Oui, je pense, voilà. Oui. Ouais. Donc, ouais. Diversifier un peu les trucs à la Malterie, quoi. Le genre de musique. Ouais, même, c'est ça. On se disait aussi qu'il n'y avait pas trop de scène punk à la Malterie, ce genre de trucs. Ouais, c'est plus noise, ouais, trucs comme ça. Rock, metal. En fait, il y a deux assos qui programment à la Malterie globalement. Trois. Ouais, il y a Quel Timeline. Ah oui, Quel Timeline, c'est vrai. Mohamed Dali, Serva Coryphée. Ils sont très bien, hein. C'est des super assos. Attention, ne nous mettons pas mal avec les amis. Non, on aime bien les autres assos aussi. La tête mais en fait, ça commence à se diversifier parce que depuis qu'il y a Quel Timeline, maintenant il y a plus d'électronique, enfin plus de musique électronique à la Malterie. Et du coup, nous on pourrait ramener du punk par exemple, de la noise et tout comme bon, ça. Là, ce que vous avez prévu pour mercredi prochain, c'est. Enfin, moi, non, il n'y a pas trop de punk. C'est pas du punk. C'est pas du punk, non, ça c'est clair. C'est beaucoup plus bruyant. C'est pour ça que j'ai commencé l'émission avec un truc un peu dansant. Là. Ouais. C'était. Ah. Oui, bah ouais. Parce que là, bon, avec Bell Jars, ça va encore. On était bien. Mais qu'est-ce que vous allez nous passer maintenant? Parce que là, je vois, il est déjà 20h30. Bah, je pense qu'il faut mettre Dendrophilia, ouais, si tu dis un truc noise. Allez, préparez vos oreilles. Je demande les titres qu'on va passer. Et du coup, je n'en avais mis un seul sur la clé. Graphico. Dendrophilia qui passera mercredi prochain au CCL. Destroy everything! grésille, ça finit comme ça, toi. Ça grésille. C'était Dendrophilia, groupe italien, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le grésille? Dendrophilia, c'est quoi? C'est pas aimer les arbres? Non, c'est quoi? Ouais, c'est l'amour des arbres, mais ça, c'est normal, c'est du grec. je connais Grafico del Suo, ça veut dire quoi? Grafico, ça veut dire graphique ou dessin, ouais. Dessin de Suarez, c'est quoi? C'est des sœurs? Ah, c'est peut-être des sœurs des. Des sœurs. Ouais, peut-être ça, ouais. Ah, je sais pas, moi. Je parle pas italien du tout. Bon, on demandera. On va chercher à traduire. Ouais. Faudra demander. On demandera le 28 mai, ça veut dire. Mercredi prochain. Voilà. Je vous avais aussi demandé de ramener des trucs de musique qui vous plaisent. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, on a pensé au lien, du coup, maintenant. De quoi on parle? On commence par qui? Attends, quoi? J'ai pas compris. Les groupes qu'on fait les jouer, qu'on aime bien. Qu'on a mis sur la clé, c'est qu'on ça? Qu'on a mis sur la clé USB. Ouais. Très bien. Du coup, parlons de Naked Nurses, qui vont jouer samedi au CCL. Et puis, elles sont chaudes à nous aider, à nous filer des bons coups de main sur les soirées, tout ça. On va faire des trucs ensemble. On va sûrement faire des ateliers noise avec les Naked Nurses, parce qu'elles sont plutôt dans la noise, elles. Enfin, le hard rock noise, tout ça, c'est ça qu'elles font. Ouais. Et voilà. Elles sont deux. C'est un duo. Voilà. Peut-être t'as dit qu'elles jouent au CCL samedi. Samedi, puis on va. Et elles rejouent le 11 juin au CCL avec Ratheim et avec mon projet solo Death by Fog au CCL, encore une fois. Donc t'es au courant. Ouais, voilà. Bien. Ouais. Alors je retrouve plus là, voilà. J'avais mis Executioner de Naked Nurses. D'accord, et bien donc les voici sans plus attendre. Okay. Là, maintenant, on passe à la partie copinage. Hein. Ouais, clairement. Voilà, on passe à la partie copinage. Voilà. Et pourquoi pas après tout? Merde, ouais. On va pas se faire chier. Avec GZL, bien sûr. man, mystics, madmen and captives. Now I am nothing more than her voice and some decay. This song is only certified by my name and truth. Because with words of flavor, all fathers and now movers, for theater of institution I shall be the whore. For theater of institution I shall be the whore, shall be the whore. Naked Nurses sur Radio Campus, émission Pyongyang City Rockers numéro 389. Nous sommes avec les amis de GZL pour passer à la deuxième partie de l'émission, donc le copinage et les groupes qu'elles aiment bien. Nous venons donc d'écouter les Lilloises de Naked Nurses avec The Executioner. C'est une soirée, donc elles passeront au sein d'une soirée de soutien samedi soir. J'en perds mon latin. au CCL, donc, et c'est une soirée de soutien au TRAVS. Vas-y, voilà, dis-nous ce que c'est. Voilà, le TRAVS, transféministe, radical, autogéré, violence, sportive. Voilà. Un collectif de boxe en non-mixité transfémée en questionnement. Bim. Voilà. Voilà. Et donc, ouais, c'est une soirée de soutien, puis il y aura d'autres genres. Il y aura d'autres trucs. Il y a du rap et du hardcore, apparemment. Mi2ZR, Sinclair et Gomard Trop Cool. Ouais, je pense que le hardcore en question, c'est plutôt de la techno hardcore. Ah ouais, techno hardcore, ouais. Moi aussi je pense. Bon, ça sera d'ailleurs réannoncé demain vers 8h45 dans la vie des microbes sur Campus. En 6,6. On se fait de l'autopub des fois, c'est de la fou. voilà, et bah, allez, la suite, là, j'avais gardé Bonne Bayenne de Gami. Ah oui, tout ce qui fusait tout à l'heure, là, alors, on se discutait hors antenne, c'était de la folie. Ça, j'en prenais pas la gueule. Alors oui, Bonne Bayenne de Gami, c'est parce que justement sur le Discord qu'on a créé, il y a un petit channel. Musique. Vous aimez bien. Et Bound by Endogamy, c'est revenu plusieurs fois. D'accord. Donc il fallait qu'on le mette. Quoi. Voilà. Alors c'est qui, c'est et quoi, donc c'est un duo. Alors je ne sais même pas d'où ils viennent. Je crois qu'ils viennent de Suisse. Ouais. Suisse. Genève, je crois. Ouais, voilà. Et ils font de le. Comment on appelle ça, les EBM. Hyper. Hyper à l'ancienne, je trouve. Dans les sonorités du synthé. EBM à l'ancienne, du coup. Voilà. Et c'est cool, ça a l'air cool en live en fait, voilà. Surtout, ça a l'air bien énergique. On les a jamais vus, mais il y a des personnes qui ont rejoint le collectif qui les ont déjà vus. Ouais, voilà. C'est des gens qui sont déjà passés dans le coin. Qui sont déjà passés à la Bulle Café, je crois. Ah, ouais. Et c'était peut-être cet automne, je pense qu'elles étaient passées. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et ben, qu'ils vont peut-être repasser un jour dans un concert organisé par GZL. Non, il faut déjà penser à l'international. Là, GZL VNR. On the race. Alors, interoral, le titre, c'est quoi? On en a mis, Stuck in the Loop. Ouais. Oh ouais, non. Putain, mais là. Bound by Endogamy. Bravo. mois. Ouais. C'était Bound by Endogamy, Stuck in a Loop, sur Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers, il faut le dire, hein, parce que là, il est déjà 20h47, et si on le dit pas une fois tous les quarts d'heure, après, on se fait taper sur les doigts et rouspéter. Ah. Bah, c'est une obligation légale. Sinon, on peut pas occuper les ondes. Ouais, c'est carrément c'est de la folie. T'as vu. Voilà. Il nous reste encore plein de choses à, et alors, plein de choses à passer hein, dans les shows, dans ce que vous avez ramené. Ah oui, oui. Dont là, il y a encore un titre que j'avais réussi à choper au vol, Litige. Ouais. Bon. Ah oui. Ça fait là. C'est cool. Bah alors oui, parce qu'on aimerait bien les faire jouer un jour, justement. Et oui. Ce serait cool. On avait essayé ce Litige, en fait. Elles n'étaient pas dispo, je crois. Ouais, elles nous ont répondu qu'elles n'étaient pas disponibles, ouais. mais qu'elles allaient venir peut-être. Bah voilà, sur une prochaine tournée. Voilà, et puis d'ailleurs, elles avaient joué à Louis Pleur au mois de septembre. C'était trop bien. Mais là, j'ai vu Litige, ils vont passer à Paris, là, le 14 juin. 14 juin, au Cirque électrique, qui rouvre. Et c'est la soirée s'appelle Eric et Julie fêtent leurs 20 ans d'anniversaire ensemble. Donc Julie, de Prise Rapide, et Eric aussi, je crois, des Prises Rapides, qui font de la musique depuis 20 ans ensemble. Ils font une soirée, et dedans, il y a Litige qui va jouer, entre autres, Prise Rapide, et d'autres, j'ai oublié. Bon, Litige qui viennent de Lyon, du coup. Ouais, c'est pour les gens qui veulent aller jusqu'à Paris. Ah ouais, ceux qui sont motivés pour aller jusqu'à Paris. Ouais, grave, c'est vrai. Mais bon, peut-être que ça veut dire que Litige, elles seront dans le coin. Et que le 15... Voilà. Bon. Et donc, vous surveillez l'Instagram de GZL, VNR. Voilà, il faut surveiller, oui. Et puis, peut-être qu'il y aura des nouvelles, on ne sait pas. Bah oui, complètement. Pour l'instant, voici. Bah, on passe Litige tout de suite ou vous avez encore des trucs à dire sur Litige ? Est-ce que vous avez des trucs à dire ? Lyon, c'est beau. Lyon, tourisme, Lyon, c'est loin. Ouais. Je crois qu'il y a Litige à Lyon, quoi. Certes. Bah, du coup, guerrière par Litige. Oh, merde, j'aurais dû faire encore une question pour les championnes. Ouais, mais bon. Bah oui. Non, voilà, on savait très bien que c'était des guerrières. On a eu un débat. Faire une petite interlude. Interlude. Enfin, parce qu'on est presque à la fin de l'émission quand même, mais là, t'as un truc à passer. Hein. Ouais. Je voulais faire un peu de pub. Il y a une soirée Louis Pleur à Clark dans le 62, le 28 mai aussi, en même temps que votre soirée. Il y a Inner Terrestrial qui vient jouer, du punk dub anglais. Qui un peu légende. Vous allez voir arriver tous les vieux. C'est tous clair. Les vieux. Y a aussi MIT, Shard Division et Cantle à la place de Jodie Foster parce qu'il y en a un qui est blessé. Voilà, du coup, je voulais juste passer un petit morceau de Inner Terrestrial qui s'appelle War. Tu l'as dit à personne ? De quoi ? Non. Allez, GG. Non. Ah si, est tombé à la guerre, quoi. C'est vrai. Eh bien, voilà, nous sommes contents de savoir qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent en direct sur Campus 106,6. Mais oui. C'est la fin de Pyongyang City Rockers. Nous accueillons ce soir GZL Vénère. Oui. C'était oui. Vous. C'était allez. Nous. Je vais dire coucou à Asle qui vient de nous contacter sur Instagram. Voilà, on va te répondre très vite. Oui. C'est donc pour tout ça, message. Ça marche le business. Ben ouais. Clair. Donc on vous retrouve mercredi prochain. Vous pouvez l'annoncer vous-même. Parce que j'ai la langue comme une biscotte. On se retrouve mercredi prochain au CCL pour la première soirée concert de GZL Vénère. Une asso d'organes de concert, mais aussi de jam et d'atelier, d'auto-formation à la musique, sans Maxis. Femmes et minorités de genre, la soirée au CCL avec Beljars, Dendrophilia, Cerber et un karaoké autotune local. Et Kent Roach, j'ai oublié Kent Roach. Kent Roach de Rouen, qu'on aime beaucoup, du grain. Et qu'on n'a pas passé parce que tout ce qu'on peut trouver, c'est des trucs sur YouTube. C'est un jeune groupe, c'est un jeune groupe, ils arrivent. Voilà. Donc on va finir avec un petit titre de Cerbère qui donne le là, je trouve. Oui. C'est quoi ? Sale chien. Voilà. Et en attendant, on retrouve Pyongyang City Rockers numéro 390 la semaine prochaine. Et on n'oublie pas... A cab. A cab. Radio Campus Lille, les 21h.